Chapitre 17e. Ikoteruka se redressa. Machinalement, il regarda l'heure à la minuscule montre d'or enrichie d'émeraude qu'il avait enlevée au maître sans nom. Les aiguilles en marquaient 3 heures du matin. Ikoteruka se pencha vers la portière et, à travers la vitre, vit que le train venait de s'arrêter devant une petite gare. Sur le quai, à la clarté des lanternes, il distingua plusieurs Chinois en uniforme qui s'agitaient. Ikoteruka eut un léger frémissement. « J'ai trop dormi, » pensa-t-il. « Je n'aurais pas dû me laisser aller ainsi, mais j'étais si fatigué. » Il se redressa et regarda. Les célestes continuaient à courir de tous côtés. Parmi eux, le grand détective reconnut Heng qui gesticulait avec énergie. « Est-ce qu'on aurait déjà retrouvé le corps du bandit ?» se demanda-t-il en pensant au maître sans nom. « Si oui, ma situation est mauvaise. » Ikuteruka sortit de son compartiment et par le couloir, pénétra dans le compartiment voisin où il avait laissé Chaufou. Le petit borgne, nonchalamment étendu sous les coussins de drap, était en train de fumer une pipe d'opium. Ikuteruka le secoua si rudement que le plateau de laque qu'il avait posé à ses côtés dégringola sur le plancher du wagon. Pot à opium, lampes, aiguilles s'éparpillèrent sur le tapis. « Maître, je rends pas vos pieds magnifiques !» s'écria Chaufou en se prosternant humblement. « Cours tout de suite voir ce qui se passe et reviens me le dire, et vite. Souviens-toi que tu as le poison de la mort dans tes veines, va !» Le petit borgne se releva, et comme s'il eût été poursuivi par une meute de chiens enragés, s'élança vélocement vers la porte située à l'extrémité du couloir du wagon. Ikuteruka, à travers la vitre, le vit qui rejoignait Heng et avait avec lui une longue conversation. Chaufou revint peu après. « Eh bien ?»« Eh bien, seigneur, le noble Heng se dispute avec le chef indigne de cette misérable gare. Le chef de gare ne veut pas laisser repartir le train. Il dit que le puissant mandarin Tan Sui a donné des ordres. Il veut présenter ses hommages au maître sans nom. Il va venir d'un moment à l'autre. « Très bien, va dire au chef de gare que j'attends cet illustre mandarin, mais qu'il se hâte. Si dans... » Ikuteruka s'interrompit. Des piétinements parvenaient jusqu'à ses oreilles. Il se retourna, et à travers la vitre de la portière, aperçut une procession onduleuse qui avançait lentement sur la route aboutissant à la petite gare. Une vingtaine de célestes, portant de grosses lanternes de papier multicolore, escortaient un palanquin de lac rouge porté par 4 robustes gaillards, et dans lequel, Ikuteruka le devina, devait être installé le puissant mandarin Tan Sui. Que voulait Tan Sui au mystérieux personnage qui se faisait appeler le maître sans nom? Comment le savoir? Après tout, il se pouvait que défunt le maître sans nom eût donné rendez-vous au dit mandarin. Autrement, ce dernier ne se fût pas dérangé en pleine nuit. Mais quoi qu'il en fût, il fallait aviser. « Écoute-moi bien, Chaufou, » déclara Ikuteruka. « Je veux m'emparer de ce mandarin. Tu le feras entrer ici. Je le terrasserai et le piquerai avec mon poison. Après, tu iras annoncer que le seigneur Tan Sui a donné l'ordre de repartir et qu'il m'accompagne à Canton. » La face du petit borgne exprima la plus profonde terreur. « Mais ô seigneur, si nous sommes pris, nous serons coupés en 36 morceaux et condamnés certainement au supplice de la mort lente, seigneur. « Bah, imbécile, poussière de mes sandales !» ordonna Ikuteruka. Chaufou, frissonnant, s'éloigna à reculons. Ikuteruka le vit qui rejoignait Heng et lui parlait avec de grands gestes. Cependant, l'escorte du puissant mandarin Tan Sui était arrivée devant la gare. Elle s'arrêta. Les célestes porteurs de lanternes se groupèrent en cercle autour du palanquin, d'où descendit un véritable géant, un homme mesurant près de 2 mètres de haut et large en proportion. Il était vêtu d'une ample robe d'épaisse soie jaune brodée. Ses longues et minces moustaches noires retombaient jusqu'à ses épaules. Une calotte à boutons de cristal le coiffait. Un rude gaillard, pensa Ikuteruka. Ça ne va pas être facile de le mater sans bruit. Et moi qui peux à peine me tenir sur mes jambes. Enfin, on va faire pour le mieux. Le mandarin, cependant, s'avançait vers le train escorté par les porteurs de lampions. Heng et Chaufou marchèrent à sa rencontre et ensemble se prosternèrent devant lui. Il leur fit signe de se relever et attendit.